La recette du père Romano Zago. Ingrédients: 1 demi-kilo de miel, biologique, 40, 50 ml, 6 cuillerées, de distillat, eau de vie. Cognac, whisky, etc. 350 g de feuilles d'aloès arborescent, 2, 3, 4 ou 5, jusqu'à atteindre le poids. Préparation: enlever les épines des bords des feuilles, et la poussière qui est déposée, en se servant d'un chiffon sec ou d'une éponge. Couper les feuilles en morceaux, sans enlever la peau, et les mettre dans le mixeur avec le miel et le distillat choisi. Bien passer au mixeur et le produit est prêt à la consommation. Ne pas filtrer ni cuire. La crème obtenue doit être mise dans le réfrigérateur, dans un pot sombre, bien fermé. De se conseiller prendre une cuillerée du produit 20 ou 30 minutes avant les trois repas principaux, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Bien agiter avant l'emploi. Une fois le traitement commencé, il est important de prendre tout le contenu du pot. Aussitôt fini, il est conseillé de se soumettre à une visite médicale, surtout s'il s'agit d'un cas de cancer. Le résultat des analyses offrira des indications sur les effets obtenus, et il conseillera le procédé à suivre. Si les résultats devaient démontrer qu'il n'y a pas eu d'amélioration avec le premier pot, il faut répéter l'opération après une pause de 5-10 jours. Ce cycle devra être répété autant de fois qu'il est nécessaire pour éliminer le mal. Seulement après les 4 premières tentatives sans réussite positive, il faut faire recours à une double dose, c'est-à-dire 2 cuillerées avant chaque repas. Cette recette miraculeuse est vraiment la longue main de la Providence pour les personnes n'ayant plus aucun espoir.